je préfère de vous quitter doucement. J'ai ça mon gant, sauf toi, on commence à en avoir assez de cette histoire insensée. Oh. Le reste de l'Europe sera aussi au rendez-vous. Aux quatre coins du continent, on voit fleurir de nombreux porte-étendards du rock progressif, tels que Nautilus, T, Cardeillac, Madhouse, Mac Sher Sandroom en Suisse, Schoenberg, Paternoster, Kyrie Ellison en Autriche, Hazard, Triana en Espagne, Froop en Irlande, Aphrodite Shine en Grèce, ou encore la scène hollandaise, assez florissante d'ailleurs, avec Substain, Earth on Fire, Hell Queen, Super Sister, Mr. Albert Shaw, Finch ou encore les déjantés de Focus. En Europe du Nord, la Scandinavie sera également touchée par le mouvement progressif. La Suède, avec des groupes comme Mr. Brown, de Gladys Kapell, la Finlande, avec Tasavallam, Presidenti, Wigwam, Royal Skaemos, le Danemark, avec Tippy Smoke, Q Papers Arcade, H, et la Norvège, avec Populace, Juniper Green ou Aunt Mary. We'll be right back.